entrer dans les coulisses de la recherche en histoire de l'art, explorer les parcours, les méthodes, les doutes et les passions de celles et ceux qui font vivre la discipline. Bienvenue dans un espace où le savoir se partage. Bienvenue dans les coulisses de la recherche, un podcast présenté par l'association Athéna. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur, vice-président de l'association Athéna, et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la recherche. Aujourd'hui, j'accueille Lilith Lebeau, doctorante en histoire de la moderne à Nantes Université et chargée de travaux dirigés. Bonjour. Lilith, vous avez signé en 2022 votre mémoire intitulée « Le décolleté féminin dans les portraits de l'époque de Louis XIV, un détail signifiant » sous la direction d'Emmanuel Lamouche. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre travail en thèse qui fait évoluer ce sujet. Avant de rentrer véritablement dans votre travail de recherche, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter votre parcours et vulgariser pour nos auditeurs vos objets d'études? Alors oui, moi j'ai un parcours vraiment nantais puisque j'ai fait ma licence à Nantes, mon master de recherche à Nantes, et je fais donc actuellement une thèse en co-direction, donc en partie sous Madame Rousteau-Chambon qui est enseignante à Nantes Université. Au niveau des grandes thématiques, je vais vraiment parler des représentations des femmes dans les portraits par des artistes masculins ou féminins qui ont travaillé en France et en Angleterre. Et mon objet d'étude en particulier est donc le décolleté, ou plutôt même les décolletés si on veut les penser au pluriel. Et dans cette idée vraiment de penser non pas la mode portée, mais vraiment les modes peintes, et donc la réinterprétation par les artistes de ce détail iconographique qui signifie également beaucoup de choses, puisqu'il est la frontière entre le corps féminin qui est beaucoup discuté au XVIIe et au XVIIIe siècle, et les vêtements qui sont également des sujets très importants dans l'idée du paraître. Voilà pour les grandes lignes. Alors donc, on est vraiment sur un sujet iconographique. Tout à fait. Vraiment sur les portraits et la peinture en général. Vous avez choisi ce médium et ce sujet pour une raison particulière. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une lecture, une intention à partager? Alors, moi, l'élément déclencheur, c'était particulièrement sur les vêtements peints. Il s'est fait en cours de licence avec Monsieur Lamouche. Donc, c'était un CM qu'on a en licence 2 sur les arts au XVIIe siècle, où on travaillait notamment les artistes de cette époque-là. Et j'ai été assez impressionnée par le traitement des vêtements dans la peinture de manière générale, par des artistes, tous les artistes confondus de cette époque-là. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment commencé à nourrir un intérêt pour ce sujet-là. Et pour vraiment ensuite amener au sujet qu'est le décolleté, c'était tout simplement parce que je voulais travailler sur les matières, les textiles, sauf que j'avais pas forcément les capacités pour traiter de la matérialité à cette époque-là. Et j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que dans les portraits, médium qui, au départ, j'avoue, ne m'intéressait pas du tout quand je suis arrivée en L1. Et pareil, c'est avec les cours en particulier de Monsieur Lamouche où j'ai découvert un intérêt pour les portraits, où j'ai cherché une évolution d'un détail et il s'est avéré que le décolleté au XVIIe siècle évolue beaucoup. Et on voit justement dans l'intitulé de votre mémoire que ce mot de détail est très important. Comment on étudie un détail? Est-ce qu'on explore des œuvres qu'on connaît déjà à travers le prisme de ce détail, ou on essaye véritablement de trouver des œuvres où le détail est présent? Alors déjà, quand on fait de la recherche, il faut construire donc son corpus. J'avais pas forcément beaucoup de portraits français en tête, puisqu'au début, j'ai vraiment travaillé sur la France. Donc, il a fallu tout simplement chercher des portraits où ce détail apparaissait, sauf qu'il apparaît dans la majorité des œuvres. Et pour cette approche, en fait, par le détail, c'était étudier des portraits non pas par le prisme monographique ou bien du modèle représenté, ce qui est beaucoup fait dans la recherche, mais justement par une partie, en fait, du tableau. Mais cela ne signifie pas qu'on oublie le reste du tableau. Et donc, en fait, c'est à la fois penser un détail d'une œuvre, mais dans l'ensemble de l'œuvre également. Et c'est ce qui est assez compliqué à faire, afin de ne pas se perdre justement trop dans le détail, trop dans un élément en particulier, en oubliant le reste de l'œuvre, à attacher trop d'importance aussi à un élément où est-ce que les artistes, parce que là, c'est la grande question, est-ce qu'ils ont attaché autant d'importance que celle que moi j'accorde à se décolleter, justement. Oui, il ne faut pas rentrer dans le biais de le trouver là où on cherche l'info, quoi. C'est ça. Et donc, j'imagine que cette explication était un de vos grands axes. Quelle était véritablement votre recherche dans ce mémoire? Quels étaient les grands axes? Alors, les grands axes de mon mémoire, le tout premier, c'était d'abord de définir, en fait, de quelle forme est-ce qu'on parle, puisqu'il y a eu deux ouvrages, en fait, sur le décolleté, mais qui apportent cela sous une certaine approche, c'est-à-dire plutôt transversale au niveau des siècles, pour le premier ouvrage qui est de Madame Simon, si je ne me trompe pas, et un deuxième ouvrage qui est un catalogue d'exposition et dont le lien était surtout fait avec l'époque contemporaine et les modes, ce qu'elles inspirent aujourd'hui. Et donc le premier axe était de définir ces formes, de savoir quelles sont les formes qui sont peintes. Quelles sont aussi dans ces cas-là les normes, puisque si un décolleté est retrouvé de nombreuses fois, c'est qu'il y a une certaine norme qui est mise. Le deuxième axe a été de penser les décolletés, enfin, le décolleté à ce moment-là, je le pensais surtout au singulier, par le prisme des artistes. Est-ce qu'il y a un décolleté type par artiste et est-ce qu'on peut donc penser l'attribution par le décolleté? Le dernier axe, qui était peut-être un petit peu plus large, on va dire, c'était notamment par le prisme des portraits historiés, donc quand on se fait représenter en Diane ou en Vénus, et donc qui apporte le prisme mythologique par rapport à la poitrine, ce qui est aussi très intéressant. Et donc là, c'était aussi de poser la question de est-ce que cela change quelque chose quand on se fait représenter sous les traits d'une divinité par rapport à la représentation de la poitrine. Et est-ce que vous avez donc finalement trouvé des sortes de canons de représentation de la poitrine, ou en tout cas du décolleté? Alors, oui. Alors, les canons de la poitrine étaient déjà un petit peu définis, puisque c'est une gorge blanche. Alors, dans les textes, on va vous dire qu'elle est ronde, mais dans les portraits, on la voit pas ronde, souvent sur la gorge. Et donc, oui, j'ai défini des normes, une évolution aussi de ces normes, des normes qui peuvent être transversales aux artistes, mais aussi qui peuvent être spécifiques à certains artistes. Et donc, par exemple, c'est dans les années 1660, on a des décolletés de forme ovale qui montrent des épaules très arrondies. On a une expression d'Emmanuel Cocri, un auteur très important pour le XVIIe siècle, qui parle de mannequin engoncé. Et donc, cette évolution, il y a une évolution ensuite au niveau de cette forme-là qui apparaît, puisqu'on va passer sur des formes plus verticales dans les années 1680 à peu près, ce qui est lié à la fois à de nouvelles modes portées, mais également à une nouvelle génération de portraitistes avec Nicolas de l'Argilière, François de Troyes et Hyacinthe Rigaud notamment. Donc, il y a déjà eu cette évolution qui a pu être définie au niveau des normes. Et puis, il fallait le lier au discours contemporain, justement sur cette blancheur, cette rondeur qu'on retrouve beaucoup dans les textes, qui est en réalité pas tant omniprésente dans les portraits, puisqu'on va avoir des gorges qui sont plutôt lissées, des corps qui sont plutôt uniformisés, en fait, d'un portrait à l'autre. Et vous avez un petit peu approché dans votre réponse, mais est-ce qu'on trouve un lien entre les représentations des décolletés dans les portraits et dans la mode portée de l'époque? Alors, il y a bien évidemment un lien entre mode portée et mode peinte, mais j'avoue que j'attache beaucoup d'importance à cette distinction entre la mode peinte et la mode portée. Non pas parce que ce sont deux choses très différentes, mais parce qu'il faut prendre en compte sur un portrait l'importance de l'idéalisation, de la mise en scène, mais également de la production tout simplement. Il y a une question de rapidité aussi qu'il faut avoir au XVIIe siècle, et donc des vêtements sont repris d'un portrait à l'autre, ce qui fait que il y a aussi une adaptation au goût du modèle entre un vêtement qu'on a vu dans un portrait qui nous plaît beaucoup, mais on va vouloir changer la couleur par exemple, ce qui fait qu'on n'est pas forcément sur un vêtement réel. Néanmoins, il y a l'importance des modes toutefois, puisque c'est l'idée de plaire. Mais la grande problématique au XVIIe siècle et qui perdure au XVIIIe siècle, c'est aussi la rapidité des modes, qui font qu'elles évoluent tellement vite que si on se peint 5 ans après avoir été peint par tel artiste, en fait, notre portrait est démodé, finalement. Et donc, ce sont de grandes questions dans la théorie artistique au XVIIe siècle, de jouer entre cette idéalisation et cette ressemblance, en fait, avec les modes portés. Mais il y a bien évidemment un lien. Toutefois, je pense que dans la recherche, on a longtemps trop fait de lien entre les portraits et la mode portée. Ce qui fait qu'il faut quand même apporter beaucoup de nuances aujourd'hui à tous ces discours. Et se détacher peut-être de rechercher le vêtement qui existe, qu'on trouve dans un musée, dans un tableau par exemple. Tout à fait. Oui. Moi par exemple, je ne me considère pas comme une spécialiste de la mode, puisqu'il y a des choses qui varient beaucoup entre l'effet d'un corset sur un corps réel et l'effet d'un corset sur un corps peint. Tout simplement parfois même parce que le corset est absent un petit peu de la manière dont le représente l'artiste. Donc je considère que je préfère me spécialiser dans les vêtements peints et pas dans les vêtements portés, ce qui pour moi sont deux choses différentes. Je vois que votre sujet a été ouvert en thèse. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'évolution justement de vos recherches en thèse? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma soutenance de M2, je savais déjà donc que je voulais faire une thèse. Et dans mon jury de soutenance, il y avait donc Monsieur Lamouche, mon directeur de mémoire, mais également Madame Rousteau-Chambon, ma future directrice de thèse. Donc comme elle était la seule à cette cette période-là dans les enseignants d'histoire de l'art à avoir l'HDR, ce qui permet de diriger des recherches pour des doctorants. Je voulais continuer sous sa direction et puis sa manière de travailler, son approche me convenait tout à fait. Et elle a souligné le fait lors de ma soutenance qu'elle trouvait que j'avais abordé des questions intéressantes mais qui méritaient d'être développées. Or, moi j'avais un petit peu l'impression d'avoir fait le tour en ce qui concerne la France au XVIIe siècle. Il y avait beaucoup d'hypothèses mais je ne pouvais tout simplement pas les confirmer puisque par manque de sources, parce que c'est aussi un sujet qui n'avait pas tant été traité pour l'instant. Et donc, on a réfléchi à ouvrir le sujet sur une autre aire géographique. Il y a eu des questions très pratiques. D'abord, la langue, puisque je ne parle pas espagnol. Mes bases en allemand sont fragiles. Mes bases en italien aussi. Et donc, je me suis penchée un petit peu sur l'Angleterre. Il s'est avéré qu'en Angleterre, on est sur deux pays, en fait, entre la France et l'Angleterre, qui s'aiment autant qu'ils se détestent, en quelque sorte, hein, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a à la fois beaucoup de conflits, mais également beaucoup d'influences. Et donc, si on ne le voit pas de prime abord dans les portraits, dans les textes et dans les recherches qui ont été menées, on sait qu'il y a des influences, également des artistes qui ont voyagé suite à la révocation de l'édit de Nantes, par exemple, ce qui fait qu'il y avait un lien important. Et donc, la question, déjà, elle était là. Et j'ai décidé également d'ouvrir chronologiquement mon sujet, puisque maintenant, je travaille sur un siècle, entre 1660 et les années 1760, afin de vraiment placer le décolleté dans un temps long, pour penser les évolutions, non pas uniquement par le prisme d'une génération d'artistes, mais de plusieurs générations d'artistes, donc entre un maître et ses élèves, par exemple, mais également en regard de l'évolution des modes portés aussi sur un siècle, et voir ce qui a pu, par exemple, influencer la représentation peinte. Et donc, l'ouverture de cette chronologie entre un seul règne, celui de Louis XIV pour votre mémoire, et un siècle entier pour votre thèse, est-ce que ça permet aussi de montrer l'importance des règnes dans les représentations des portraits et du décolleté en iconographie? Alors la question se pose en effet, puisque pour le début chronologique de ma thèse, donc 1660, c'est lié au début du règne de Charles II en Angleterre et à ce qu'on appelle le début du règne personnel de Louis XIV. Mais pour les années 1760, autant en Angleterre ça correspond à la fin d'un règne, autant en France non. Mais on est dans une décennie, par contre, les années 1660, avec beaucoup de changements, dont le décès, par exemple, de Madame de Pompadour, qui était très importante au niveau des modes. Donc, il y a à la fois cette importance des règnes pour l'idée des influences, aussi parce que le règne de Charles II et celui de Louis XIV apportent tous deux des choses assez similaires au niveau de la place des femmes à la cour, notamment des maîtresses royales. Mais je reste quand même vigilante sur cette importance du règne, en particulier parce qu'on n'est pas sur le même type de règne, puisqu'on va avoir des femmes qui vont pouvoir être au pouvoir en Angleterre, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on a aussi une absence de reine pendant quelques temps, entre la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Donc c'est assez difficile, en fait, de trouver la place de la royauté et du pouvoir dans cette étude, même si elle reste importante. Mais je dirais qu'il ne faut pas uniquement la pensée par le prisme du règne, des règnes en tout cas qui ont lieu à cette période. Et finalement, ces décolletés ne se retrouvent pas uniquement dans les portraits de cours proches du pouvoir. Est-ce que ça se retrouve aussi en province ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là l'intérêt pour moi aussi de ce sujet qu'est le décolleté, puisque vous avez une reprise, en fait, on va copier les portraits de la cour, on va copier les modèles et reprendre donc les formes de certains décolletés, mais également la manière de faire de certains artistes. Ce qui fait qu'on a une diffusion en dehors du monde de la cour en tant que telle. Et d'ailleurs, j'attache beaucoup d'importance, et notamment dans mon mémoire, j'attache beaucoup d'importance à étudier pas seulement des œuvres très connues, déjà énormément travaillées, de modèles reconnus, mais à élargir aussi cette vision des choses à des portraits de modèles moins connus. Or, le souci quand même qui se pose quand on fait de la recherche, c'est quand on a un portrait pour lequel vous n'avez ni le nom de l'artiste, ni l'identité du modèle, ça pose quand même des difficultés pour approfondir vraiment les hypothèses. Donc, toute cette ouverture que vous faites en thèse, est-ce que ça vous permet de voir des aspects que vous trouvez désormais centraux, mais qui étaient que vous n'aviez pas identifiés au début de vos recherches ? Oui, tout à fait. Il y a notamment un aspect en particulier qui, pour ma recherche en thèse, est devenu central. C'est ce qu'on appelle les drapery painters, et donc ce sont les assistants, en fait, des portraitistes. J'en avais conscience lorsque je travaillais sur mon mémoire, mais en fait, on a peu d'éléments concrets sur l'art, les portraitistes français. Vous avez un très grand catalogue qui a été fait sur Hyacinthe Rigaud, qui explique qu'il y avait beaucoup d'assistants, mais Hyacinthe Rigaud aimait quand même peindre ses étoffes. Et en Angleterre, en fait, on a le nom de ces fameux drapery painters qui peignent les étoffes. On a même des dessins préparatoires. Et donc, ce rôle des assistants est devenu essentiel puisque, finalement, moi, ce sont les personnes qui peignent le décolleté. Et c'était un aspect que je n'ai pas, voire très peu, mentionné dans mon mémoire, qui est désormais un axe central sur ma thèse, même s'il est difficile à développer, on va dire. Et pour finir sur vraiment le fond de votre sujet de thèse, est-ce que vous auriez une œuvre ou un exemple qui représente particulièrement votre sujet de recherche actuel? Si vous pouviez le décrire un petit peu. Alors, c'est assez compliqué de trouver une œuvre qui décrirait vraiment l'importance de ce sujet-là. Surtout que, comme je travaille sur deux pays, voilà, c'est assez compliqué. Mais si je devais, par exemple, prendre une œuvre en France, pour moi, qui a été très importante, autant pour mes mémoires que pour ma thèse, on va dire que c'est l'autoportrait d'Elisabeth Sophie Chéron, qui est donc la première portraitiste à rentrer à l'Académie, qui est fournie en autoportrait, dans lequel elle est représentée, donc c'est une toile de format ovale, elle est représentée avec des vêtements assez simples, jaunes et bleus, et elle présente un dessin préparatoire dont le contenu est assez difficile à identifier, ça semble être un personnage antique avec des draperies. Et donc, elle reprend les modes de son époque, en effet, puisqu'elle a la peau blanche, elle a un décolleté de forme plutôt verticale, puisqu'elle le peint en 1672, donc on est à peu près dans ce changement des formes. Et en même temps, elle n'insiste pas tant sur la présence de bijoux, par exemple, qui sont pourtant omniprésents à cette période-là, le collier de perles. Et donc, on est vraiment dans cette question d'une artiste qui se représente et donc qui doit correspondre aux attentes d'une représentation d'une femme, mais qui essaye également de se placer dans un milieu très masculin, puisque c'est pour l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et si on prend une autre artiste au XVIIe siècle en Angleterre, vous avez Mary Beale, par exemple, qui fait également plusieurs autoportraits. Et à l'inverse, elle a notamment un autoportrait dans lequel elle tient un dessin préparatoire avec la tête de ses deux fils. Alors, je n'ai plus la tête exacte, mais dans ses autoportraits, Mary Beale, dans ses plusieurs autoportraits, a la spécificité de représenter sa poitrine ronde, par exemple, toujours avec cette blancheur. Un décolleté assez simple, mais qui correspond beaucoup plus à ce qu'on retrouve dans les autres portraits anglais de cette période, alors qu'Elisabeth Sophie Chéron, elle, par exemple, se distingue un petit peu plus de ce qu'on retrouve chez les femmes de cette même période. Et donc, ça montre aussi ces différences entre la France et l'Angleterre, alors que parfois, on va avoir tendance à penser les femmes artistes comme un tout, etc., alors qu'il y a la diversité. Mais ça montre également les différences entre la France et l'Angleterre, entre notamment la représentation de la poitrine, plutôt ronde en Angleterre et représentée comme telle, alors qu'en France, elle va être plutôt dissimulée, cette rondeur au niveau de la gorge. Donc ce seraient les deux portraits, je pense, qui pourraient un petit peu démontrer les idées. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'on voit une différence quand c'est un portrait et un autoportrait de femme artiste, si cette femme peint une autre femme ou si elle se peint elle-même? Alors, pas forcément tant dans le décolleté. Ce qui est compliqué, si on prend l'exemple d'Elisabeth Sophie Chéron, c'est qu'en fait, la seule œuvre attribuée avec certitude, c'est son autoportrait. On a des œuvres qui lui sont attribuées, mais on n'est pas sûr que ce soit des autoportraits ou bien des représentations d'autres femmes. Sinon, on a des gravures. Le problème, c'est que les gravures ont tendance à intensifier les ombres par rapport aux peintures, ce qui fait qu'on va avoir des poitrines, par exemple, plus marquées, alors que ce n'est pas le cas dans les peintures à l'huile. Donc, c'est assez compliqué pour Elisabeth Sophie Chéron d'y répondre. Pour Mary Beale, au final, on retrouve plutôt certaines normes esthétiques, on va dire, entre les femmes qu'elle représente et ses représentations. Même s'il y a quand même, outre le décolleté, une mise en avant d'un statut en particulier par les dessins préparatoires, etc., qu'on ne retrouve pas du coup pour les autres femmes. Et donc, on vient de voir comment votre sujet en lui-même avait évolué entre votre mémoire et votre thèse, mais d'une manière plus concrète, vraiment dans les coulisses de la recherche, est-ce que votre manière de faire de la recherche, concrètement, a évolué en devenant doctorante? Alors, oui et non, puisque je m'appuie sur une méthodologie que j'ai vraiment mise en place lors de mon mémoire. L'étude, justement, par le prisme d'un détail. Pour prendre un exemple concret, lors de mon mémoire, j'avais mis en place un tableur, tout bête, hein, avec donc le nom de l'artiste, le sujet, l'âge du modèle, et puis une description très détaillée du décolleté. Est-ce que c'est de la dentelle? Est-ce que c'est de la gaze? Est-ce qu'il est horizontal? Est-ce qu'on voit la poitrine? Est-ce qu'il y a des perles? Voilà. Et donc, j'ai repris ce même modèle, mais Pour la thèse, je l'ai bien évidemment approfondi, c'est-à-dire qu'au lieu d'être de 20 colonnes, maintenant il est d'une quarantaine de colonnes, c'est donc imbuvable, mais ce que j'ai mis en place en master m'a aidé pour ma thèse. Néanmoins, l'approche n'est pas non plus totalement la même, on va dire, puisque en master, j'avais fait un catalogue, alors on parlerait même plutôt d'un répertoire, et pour la thèse, on envisage, en tout cas, ça a été la discussion avec mon directeur et ma directrice de thèse, plutôt de penser le sujet par des études de cas. Et donc l'approche n'est pas la même, puisqu'en fait, on va essayer de voir quelle œuvre incarne justement des exceptions ou plutôt une certaine norme et donc va pouvoir servir le propos de la meilleure des manières. Voilà, on va dire les quelques différences. Et donc vous venez de nous parler de votre directrice et de votre directeur. Vous êtes la première personne interviewée dans ce podcast qui se fait co-diriger. Et donc pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer le principe d'une co-direction ? Donc là, en l'occurrence, vous êtes co-dirigé entre Hélène Rousseau-Chambon de Nantes Université et Frédéric Cousinier de l'Université de Rouen en Normandie. Et vous, comment vous vivez cette co-direction durant votre recherche ? Alors, moi, ma co-direction, elle a été pensée parce que, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je souhaitais travailler avec Mme Rousseau-Chambon parce que je connaissais sa manière de travailler, qui me correspondait tout à fait en termes de méthodologie. Mais mon sujet n'est pas du tout lié aux spécialités de Mme Rousseau-Chambon, hein, qui est une historienne plutôt de l'architecture. Donc, je voulais également rester à Nantes Université, ce qui faisait que je voulais trouver également une enseignante liée à Nantes Université. Il a donc fallu trouver une autre personne, puisque c'est très important dans vos directeurs et directrices, tout comme c'est le cas également pour votre mémoire, d'avoir des personnes qui sont en lien avec votre sujet. Alors, je vous dis ça, moi, pour mon mémoire, c'était Monsieur Lamouche qui me dirigeait, qui n'est donc pas du tout spécialiste de peinture et encore moins des vêtements dans la peinture. Mais à nouveau, c'était plutôt sa manière de travailler qui me correspondait beaucoup. Donc là, pour la thèse, il a fallu trouver quelqu'un quand même dont le sujet correspondait à peu près à ce que je cherchais, à mon sujet de recherche en tout cas. Et Monsieur Cousinier, il s'avère qu'il travaille sur différents sujets iconographiques. Il n'est pas spécialiste de portraits. Il va d'ailleurs plutôt travailler notamment sur de la peinture religieuse, mais il a une approche notamment par des thèmes, par de l'iconographie, qui m'intéressait beaucoup. Et donc, Mme Rousseau-Chambon m'a proposé de travailler avec lui. Ça a été beaucoup de discussions avec Mme Rousseau-Chambon pour savoir, en fonction de l'approche en fait, de la personne qu'on allait, à qui on allait demander, il fallait que ça me convienne également, que ça lui convienne aussi. Et donc, on a demandé à M. Cousinier, il a fallu bien évidemment lui envoyer mon mémoire, parce que ce n'est pas uniquement moi qui choisis qui me dirige, hein. Il faut aussi que la personne qui me dirige soit intéressée par le sujet. Et donc, il s'avérait qu'il était intéressé. Et dans ces cas-là, quand on est en co-direction, c'est différent de ce que vous trouverez, par exemple, ce qu'on appelle des co-tutelles, qui sont notamment avec l'étranger. En co-direction, on n'est inscrite que dans l'une des deux universités. Et donc, moi, j'ai choisi de m'inscrire à Nantes Université. Mais mes deux directeurs sont tous les deux à 50%, on va dire, au niveau de la direction de la thèse. Après, il y a des aspects aussi pratiques en termes de, par exemple, de disponibilité. Madame Rousseau-Chambon étant enseignante à Nantes Université, je suis à Nantes Université, on se voit beaucoup plus régulièrement qu'avec Monsieur Cousinier. Mais ça n'empêche qu'ils ont tous les deux leur mot à dire sur les sujets de recherche, sur mes axes, et ils ont une approche aussi très complémentaire. Autant sur la méthodologie que sur l'approche des œuvres et de la recherche en tant que telle. D'accord, donc ça, c'est un nouvel enjeu que vous avez pris en compte dans votre recherche de thèse. Mais est-ce qu'il existe d'autres enjeux plus spécifiques à la recherche en thèse ? Est-ce qu'il faut chercher à se faire connaître, faire parler de son sujet ? Alors, c'est des éléments qui, je pense, doivent être mis en place dès le master. D'accord. Et le mémoire. Même si on va peut-être moins communiquer sur son sujet ou rédiger des articles en tant qu'étudiant de master. Mais c'est très important quand même de commencer à s'y mettre si on sent que la recherche, c'est quelque chose qui nous plaît. Puisque, en effet, par contre, en tant que doctorante, il est nécessaire de communiquer sur son sujet, donc autant par des communications lors de conférences, de colloques, de journées d'études, mais également par le prisme d'articles. Il faut également être capable, lorsque vous êtes dans des journées d'études ou des séminaires, d'entrer en contact avec les chercheurs et les chercheuses qui vous intéressent, qui travaillent sur des sujets qui vous intéressent, puisque c'est important, on va dire, de réussir à se faire un nom, en quelque sorte, même si ce n'est pas le seul enjeu, hein, bien évidemment, du doctorat et de ces rencontres-là. Mais c'est important de savoir, par exemple, synthétiser son sujet, donner les grands axes, se présenter quand on présente son sujet, quels sont les trois grands axes, par exemple, que je souhaite aborder durant ma thèse, pour pouvoir créer du lien avec d'autres chercheurs et chercheuses, parce que discuter de son sujet, c'est ce qui également le fait grandir. Ça va vous apporter des nouveaux axes de recherche auxquels vous n'avez pas pensé, par exemple, ce qui est essentiel pour faire mûrir un petit peu votre sujet de recherche. Jusqu'à présent, dans ce podcast, on a reçu certains sujets qui étaient très engagés et politiques, notamment sur nos derniers épisodes, et à n'en pas douter, parler du décolleté féminin résonne forcément avec des enjeux sociétaux actuels. Est-ce que vous avez traité votre sujet comme tel, sous le prisme de notre vision contemporaine, ou non ? Alors, c'est une question intéressante, mais à laquelle, pour y répondre, c'est un petit peu compliqué, puisque, bien évidemment, c'est le sujet que je choisis, je l'ai choisi en fonction de valeurs, d'intérêts, de centres d'intérêt qui sont importants pour moi. Néanmoins, cela reste un sujet de recherche, et donc, les axes que j'aborde sont liés vraiment à des points qui sont intéressants à soulever dans les sources. Maintenant, c'est forcément en lien avec l'aspect très contemporain, puisque, je ne vais pas vous mentir, les discours qu'on retrouve au XVIIe siècle, on retrouve parfois les mêmes encore aujourd'hui, sur le regard porté sur le corps féminin, sur la place des femmes dans la société, sur la poitrine qui est très sexualisée, très pensée. On la rapproche souvent au diable notamment, et une femme tentatrice, c'est le diable. Alors, c'est pas forcément on va retrouver les mêmes termes aujourd'hui, mais il y a des personnes qui tiennent encore des discours comme ça très virulents sur le corps des femmes, puisqu'en fait, tout simplement, le corps des femmes est politisé, est au cœur de la sphère publique et politique. Beaucoup de discours sont donnés dessus. Donc il y a un lien forcément qui est fait, que je n'ai pas forcément fait pendant mon mémoire, que je ne sais pas en fait encore comment l'aborder pour la thèse, puisque c'est toujours très compliqué cette frontière entre nos valeurs, je pense, l'aspect militant aussi d'un sujet, et en même temps on fait de la recherche, qui sont deux choses pas forcément contradictoires, mais qu'il faut réussir à allier pour qu'il y ait une fiabilité scientifique qui soit essentielle et importante dans nos recherches. Et vous pensez que cette politisation de ce sujet va amener à une évolution de votre champ de recherche dans les années à venir, ou au contraire, on va rester sur des recherches plus iconographiques ? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, puisque moi, j'adore l'iconographie, j'adore observer les œuvres dans le détail. Il n'empêche que j'adore également travailler sur la représentation des femmes en lien justement avec les discours qui sont portés dessus. Donc, c'est une bonne question et on verra dans quelques années, je pense. Et donc, pour conclure rapidement et pour en revenir un peu à votre sujet, pour nos éditeurs, est-ce que vous auriez des articles personnels ou non, ou des ouvrages à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait en apprendre davantage après ce podcast ? Je pense que dans ces cas-là, il y a une auteure qu'il faut absolument lire, une auteure anglaise qui s'appelle Eileen Ribeiro. Et je ne vais pas spécialement parler d'un ouvrage en particulier, mais l'ensemble de sa bibliographie est très intéressante, puisqu'elle a très bien expliqué comment le vêtement en peinture est différent du vêtement porté. Elle a également un ouvrage qui traite de tout l'aspect moral en lien avec les textes qui ont pu être faits sur le corps féminin. Donc, sa bibliographie est très, très, très intéressante et peut-être pas forcément assez lue, je pense, par nous, étudiants de licence, étudiants en histoire de l'art, que ce soit en licence ou en master, en France. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Lily Clobeau, d'avoir accepté notre invitation et être la première doctorante à avoir été interviewée. J'espère qu'on pourra suivre l'évolution de votre thèse. Et merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et pour nos auditeurs, au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode des coulisses de la recherche. Si le sujet vous a intéressé, gardez un œil sur les conférences de cette année ou de celles à venir organisées par l'association Athéna. C'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres travaux passionnants et de plonger plus loin dans le monde de la recherche en histoire de l'art. Toutes les informations sont disponibles sur notre Instagram ou sur notre site www.athenaso.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.